إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حديثنا في هذه الأمسية المباركة بإذن الله تبارك وتعالى حول أخلاق المسلم الحسنة، وهي الأخلاق المستمدة مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام كما قال تبارك وتعالى في محكم التنزيل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Le cours de cet après-midi, de cette soirée, on implore Allah qu'il fasse de ce moment béni, concerne les nobles comportements, caractères du musulman. Et ces caractères et comportements ne sont nobles que parce qu'ils découlent de l'enseignement de ce sur quoi était notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est un modèle et un exemple pour nous tous. Comme nous le dit Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran, dans le sens du verset: il vous a été donné dans le messager d'Allah un modèle, un exemple à suivre, à prendre pour celui qui espère en Allah et au jour dernier et qui se rappelle abondamment d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ala al-muslim an yattali'a ala al-shama'il al-muhammadiyya والأخلاق النبوية والآداب الإسلامية، ويقتدي بهذا الرسول الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وآدابه وتواضعه وحلمه وشجاعته وكرمه وتوحيده لربه سبحانه وتعالى. قال الشاعر: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. Il incombe à tout musulman de prendre connaissance de tout aspect du noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de son aspect physique, de son caractère, son comportement, de ses enseignements alayhi salatu wa salam, c'est ce qu'on appelle al-shama'il. Et il y a un célèbre ouvrage de l'imam al-Tirmidhi rahimahullah, le célèbre auteur du recueil de hadith qu'on appelle Jami' al-Tirmidhi ou Sunan al-Tirmidhi. Il a aussi un autre recueil qui s'appelle al-Shama'il al-Muhammadiyya. Il regroupe dedans quelques centaines de hadiths concernant tout ce qui a trait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit physique et aussi du domaine de la morale et du comportement. De prendre connaissance des comportements prophétiques, des bonnes manières islamiques, et de prendre ce noble messager, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme modèle et exemple, que ce soit dans le domaine des comportements, des bonnes manières, la modestie, la douceur, le courage, la générosité, et aussi dans sa pratique et dans son adoration à Allah tabaraka wa ta'ala, sa pratique du monothéisme envers son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Car le comportement ne peut être noble que s'il est présent dans sa globalité. Et en premier lieu, le bon comportement, il est envers le Créateur, subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un qui dit ou qui pense que le bon comportement suffit qu'avec les créatures, sans penser au Créateur, il s'est trompé de chemin. Et c'est une parole qui est fausse. Cette personne-là a un mauvais comportement, car il s'est mal comporté envers son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Comme le fait de donner des associés à Allah, tabaraka wa ta'ala, d'adorer autre que lui, alors que lui seul mérite l'adoration, subhanahu wa ta'ala, de l'adorer comme il ne l'a pas demandé, subhanahu wa ta'ala, comme il ne l'a pas permis. C'est-à-dire que la personne se permet de donner des jugements et des règles qui n'existent pas dans les ordres d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et Allah n'a aucun associé, ni dans sa seigneurie, ni dans sa divinité, ni dans ses noms et attributs, subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un qui n'a pas le bon comportement envers le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on témoigne de anna Muhammadan Rasulullah, que Mohammed est le messager d'Allah, c'est-à-dire qu'on affirme tout ce qu'il dit, alayhi salatu wa salam, tout ce qu'il dit est vérité, et ce n'est qu'une révélation qui lui a été donnée par son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. On l'écoute, on lui obéit, et on ne met aucune parole d'une quelconque créature au même stade que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que dire au-dessus de celle du prophète alayhi salatu wa salam. Le poète a dit: les peuples ne peuvent exister, ne peuvent rester que s'ils sont dotés de bons comportements. Et si les nobles comportements viennent à partir, à disparaître de ces peuples, alors ces peuples viendront à disparaître. Inna min wajib al-muslim an ya'rifa قدر هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ويتخلق بأخلاقه ويهتم بالدعوة إلى التوحيد التي بدأ بها رسالته عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. Il est un devoir pour tout musulman de connaître la place, le degré de ce noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de l'imiter et de le suivre dans ses nobles comportements. Et le premier point important par lequel il a commencé son message, c'est le prêche, l'appel au monothéisme, à l'adoration d'Allah seul, sans rien lui associer. Allah élevé soit-il dit, dans le sens du verset, dit, c'est-à-dire au Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, dit, je ne fais qu'invoquer mon Seigneur, je ne fais qu'adorer mon Seigneur, et je n'associe personne avec lui. ومن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Et parmi les nobles comportements de notre messager, sallallahu alayhi wa sallam, il y a la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans le sens du verset. Et c'est de par une miséricorde de ton Seigneur que tu as été doux et tendre envers eux. Et si tu étais rude, dur, doté d'un cœur dur envers eux, alors ils se seraient éparpillés. Ils ne seraient pas restés autour de toi. Pardonne-leur et invoque le pardon en leur faveur. Invoque Allah pour leur pardonner et consulte-les dans les affaires. Et lorsque tu t'es décidé, que tu as pris ta décision, alors remets-toi-en en Allah. C'est-à-dire ne recherche refuge auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Certes, Allah aime ceux qui cherchent refuge auprès de lui. Wa qala ta'ala wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Et Allah élevé soit-il dit, et tu es certes doté d'un noble comportement, d'un comportement d'une grande valeur, très valeureux. Et aussi comme explication qui est donnée, 'an al-khuluq huwa ad-din. يعني إنك على دين عظيم. C'est-à-dire que tu es doté, il t'a été donné une religion sublime. Une religion énorme et grandiose. Donc le terme ici comportement, il a été aussi expliqué dans l'exégèse du Coran comme étant la religion. Toute la religion en elle-même, hein, elle est noblesse et elle est sublime. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن الحديث رواه مسلم. Et la mère des croyants, عائشة رضي الله عنها, lorsqu'elle fut questionnée sur le comportement du prophète عليه الصلاة والسلام, elle a dit son comportement était le Coran. C'est-à-dire que tout noble comportement que vous allez trouver dans le Coran, sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ce comportement. Il le pratiquait. Une conformité totale avec les enseignements du Coran. Wa kana alayhi salatu wa salam yaqul inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqa muttafaqun alayhi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: parmi les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont dotés de bons comportements. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Wa an Abi Hurayrah radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inni lam ub'ath la'ana wa innama bu'ithtu rahmah. Rawah Muslim. Et d'après Abu Hurayrah radiyallahu anhu qui dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, je n'ai pas été envoyé comme quelqu'un de vulgaire, quelqu'un qui insulte, qui maudit les gens, mais je n'étais envoyé que comme miséricorde. Rapporté par Muslim. وعن عطاء ابن يسار رحمه الله قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة فقال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وهذا الأثر رواه الإمام البخاري في صحيحه. Donc عطاء ابن يسار عطاء ابن يسار رحمه الله qui est un tabi'i a dit j'ai rencontré Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma et je lui ai demandé informe-moi sur la qualité ou l'aspect du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans la Torah, comment il est décrit dans la Torah. Et là on voit bien une preuve claire dans le Coran, on l'a, mais aussi dans les hadiths, que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est bien parlé de lui dans les livres sacrés révélés à Moussa et à Issa alayhi salam, dans la Torah et dans l'Évangile. Et Abdullah ibn Amr radiallahu anhu m'a répondu, bien sûr, par Allah, il est bien décrit dans la Torah par certains de ses qualités mentionnées dans le Coran, en particulier dans la parole d'Allah. Ô prophète, nous t'avons envoyé pour être témoin, annonciateur et avertisseur. Et aussi, une protection pour les illettrés. Et ça, c'est le titre qui est donné au peuple arabe. À l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on les appelait al-ummiyin, car d'un point de vue général, ils ne savaient ni lire ni écrire. De même que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, on l'appelle al-ummi, car il ne sait ni lire ni écrire, alayhi salatu wa sallam. Une protection pour les illettrés. Tu es mon serviteur et mon messager. Je t'ai nommé al-mutawakkil, celui qui ne cherche refuge qu'auprès d'Allah, celui qui s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'es ni rude, ni dur, ni bavard dans les marchés. Tu ne lèves pas la voix dans les marchés. Tu ne réponds pas au mal par le mal, mais tu traites avec douceur et gentillesse, et tu pardonnes. Et Allah, ton Seigneur, ne te fera pas mourir avant que tu redresses la communauté tordue, c'est-à-dire celle qui a dévié, le peuple qui est en face de lui, vers qui il a été envoyé. Ils avaient dévié de la droiture, dévié du monothéisme. Juste avant que tu redresses la communauté tordue, en leur faisant dire « La ilaha illallah ». Il n'y a point de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah. Et par elle, c'est-à-dire par cette communauté redressée, des yeux aveugles s'ouvriront pour voir clair. Des oreilles sourdes s'ouvriront pour entendre clair. Et des cœurs scellés s'ouvriront pour comprendre clairement. Et ce récit, il est rapporté par l'imam al-Bukhari dans son sahih. أرسل الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين فدعا الناس جميعا إلى ما فيه صلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. الله تبارك وتعالى a envoyé son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme miséricorde vers les mondes. Et il a invité, appelé les gens, tous les gens, dans la chose dans laquelle on retrouve tout le bien et toute la réforme et tout le bonheur pour la vie d'ici-bas et pour l'au-delà. لقد اجتمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم من مكارم الأخلاق والفضائل والمحاسن ما لم يجتمع لغيره من البشر. Ont été réunis dans le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parmi les nobles comportements, les actions vertueuses, les bonnes actions et la moralité sublime qu'on ne peut retrouver réunies sur une autre personne, dans une autre personne, parmi les créatures. Il était l'homme le plus parfait, alayhi salatu wa salam. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما خير ما أعطي العبد قال حسن الخلق رواه ابن ماجه وصححه الألباني. Le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم fut questionné: Ô messager d'Allah, quelle est la meilleure chose que peut recevoir le serviteur, qui a été donné au serviteur? Il répondit, alayhi salatu wassalam, le bon comportement, rapporté par Ibn Majah et authentifié par l'Albani. Wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ma min shay'in yuda'u fil mizan athqal min husni al-khuluq, wa inna sahib husni al-khuluq la yablughu bihi درجة صاحب الصوم والصلاة رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a rien de plus lourd qui sera posé sur la balance que le noble comportement, et celui qui est doté de bon comportement, de par ce bon comportement qu'il a, qu'il possède, il atteint par là le degré de celui qui jeûne et qui accomplit la prière. Ici, il est voulu le jeûne surrogatoire et les prières surrogatoires, surtout les prières de la nuit. Le hadith est rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi et authentifié par Al-Albani. Wa an Aishata radiyallahu anha qalat: sami'tu Rasulallah صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم رواه أبو داود وصححه الألباني. Et la mère des croyants, Aïcha رضي الله عنها, nous rapporte qu'elle a entendu le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم dire: certes, le croyant atteint par son bon comportement le degré de celui qui jeûne et qui prie, rapporté par Abu Daoud et authentifié par Al-Albani. Donc une personne qui est connue auprès des siens, de son entourage, auprès des gens, qu'il est doté d'un bon comportement, qui se comporte convenablement, il a des caractères sublimes, il atteint de par là le degré de ceux qui font les efforts de jeûner la journée et de prier la nuit. Car Allah tabaraka wa ta'ala facilite à qui il veut. Et il y a des personnes à qui Allah a facilité certaines adorations. Et ils arrivent à jeûner beaucoup. Et ils arrivent à se lever la nuit et à accomplir des prières. D'autres, bien qu'ils accomplissent ce qui leur incombe comme obligation, mais ils n'ont pas cette facilité-là. Eh bien, avec le bon comportement, les nobles caractères, Allah leur permet d'atteindre le degré de celui qui prie la nuit et qui jeûne le jour. Alors que dire de celui qui a tout rassemblé? Subhanallah. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam في حجة الوداع ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: durant le pèlerinage d'adieu. Le pèlerinage d'adieu, c'est le pèlerinage accompli par le prophète sallallahu alayhi wa sallam en l'an 10 de l'Hégire. Les ulama divergent sur l'année où a été rendu obligatoire le pèlerinage pour la communauté musulmane. Mais l'avis qui prédomine et qui est le plus sûr, inshallah, c'est celui qui dit que cela a été rendu obligatoire en l'an 9 de l'Hégire. Et le premier à avoir présidé le pèlerinage, c'est Abu Bakr, As-Siddiq radhiallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Abu Bakr de présider cette année, l'année 9 de l'Hégire. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a présidé le pèlerinage en l'an 10, quelques mois avant son décès, alayhi salatu wa sallam. Et c'est là qu'il reçut, lorsqu'il était dans la plaine de Arafah, l'un des derniers versets coraniques. Et après ce verset-là, il n'y a plus eu de règles religieuses de révéler. C'est la parole d'Allah: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Et certains ulama disent que le dernier verset révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un des versets de sourate Al-Baqarah: واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des pèlerinages, des umrah, il en a accompli même avant l'islam, et même lorsqu'il était devenu prophète alayhi salatu wa sallam, il profitait des périodes de hajj pour parler aux tribus qui venaient accomplir le pèlerinage, pour les inviter à l'islam, pour leur présenter le message divin alayhi salatu wa sallam. Mais depuis qu'il a immigré à Médine et depuis que le pèlerinage a été rendu obligatoire pour la communauté musulmane et qu'il fait partie d'un des cinq piliers de l'islam, il est le cinquième pilier de l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a fait qu'un seul pèlerinage, c'est le pèlerinage d'adieu. Et il a aussi accompli quatre umrah alayhi salatu wa sallam. Et dans ce pèlerinage, donc, durant ce pèlerinage, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: ne vais-je pas vous informer sur le croyant? Qui est le croyant? Il pose la question, mais en même temps, il dit directement derrière la réponse alayhi salatu wassalam: ne vais-je pas vous parler du croyant, vous informer sur le croyant? C'est celui dont les gens sont à l'abri, en sécurité, concernant leur richesse et leur personne. Un croyant, face à lui, on est en sécurité. On est en paix. Subhanallah. C'est celui dont les gens sont à l'abri, sont en sécurité, concernant leur bien, leur richesse, leur argent et leur propre personne. Le hadith rapporté par Ahmed et authentifié par Al-Albani. Wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: al-muslimu man salima al-muslimun min lisanihi wa yadihi. Muttafaqun alayh. Ici le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: al-muslim, le musulman. Voilà comment il est, le musulman. Voilà ce qu'on attend d'un musulman. C'est celui dont les musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main. Le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Allah il bissoit-il nous dit, dans le sens du verset: certes, les croyants ne sont que frères. La vraie fraternité, c'est celle qui est la plus solide. C'est la fraternité religieuse. Certes, les croyants sont frères. Alors, réconciliez entre vos frères. Puisque ce verset fait suite La parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans laquelle il nous parle lorsqu'il y a des conflits, discordes, batailles entre des musulmans. Lorsque cela arrive, les autres musulmans qui ne sont pas partie prenante, leur rôle, Allah leur rappelle, vous êtes que des frères, c'est de réconcilier. Réunissez-les. Réunissez entre eux vos frères et craignez Allah afin que vous soyez touchés par la clémence et la miséricorde. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه متفق عليه. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: nul ne sera véritablement croyant, nul n'aura la croyance la plus parfaite jusqu'à qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour sa propre personne. Seulement ce hadith-là, s'il est appliqué, il n'y a plus de soucis, plus de problèmes entre les gens. Je ne ferai à mon prochain que ce que je veux qu'il me fasse. Je viens à lui comme je veux qu'il vienne à moi. On serait apaisé, subhanallah. Et c'est pour cela, l'histoire n'est pas seulement d'accumuler du savoir. C'est bien d'apprendre et de rajouter. Mais ce savoir, est-ce qu'il est appliqué ou pas? Est-ce qu'il est pratiqué ou pas? C'est pour cela que, par exemple, le Coran, lorsque vous lisez la méthodologie entreprise par les compagnons, les tabi'in, et celle des siècles qui vient après, elle est différente. Les siècles d'après, ils ont plus mis l'importance sur la quantité, en un temps moindre. Et c'est pour ça que les gens sont étonnés. Lui, il a appris tant en tant de temps. En 6 mois, il a fini le Coran. En 1 année, il a appris tel livre. Les gens ne parlent que de ça, que de la quantité. Les premiers ne s'attardaient pas sur ce point-là. La quantité, ils ne regardaient pas ça, mais plutôt la qualité. Ce qu'ils apprenaient, ils l'apprenaient, l'assimilaient, le comprenaient, toutes les leçons à tirer de ces textes, et ils le pratiquaient. Ils apprenaient la foi et la pratique en même temps. Et certains compagnons disaient, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on ne dépassait pas 10 versets. 10 versets coraniques. Jusqu'à les avoir appris, compris et pratiqués. Arrivé à ce point-là, ils pouvaient entamer d'autres versets. Et vous entendez que certains compagnons, un compagnon qui dit, j'ai appris Sourate al-Baqarah en 5 ans, en 7 ans. Et quelqu'un va dire, mais moi je peux l'apprendre en 2 mois ou en 3 mois. Ce n'est pas la même manière d'apprendre. Subhanallah. Ce n'est pas la même manière. Donc, c'était la qualité. Alors, lorsqu'il savait beaucoup, c'était beaucoup, mais bien compris et bien appliqué. Ça, c'est important à se le rappeler. De même, parmi les anecdotes, aujourd'hui, dans certaines écoles, bon, un peu moins maintenant, mais dans nos pays, il y avait encore, on tape les enfants pour apprendre le Coran. Et certains pensent que c'est une bonne méthode. Bonne méthode ou pas, la question qui se pose, est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on a le droit? Avant de dire bonne méthode ou pas, c'est de se poser la question, est-ce qu'on a le droit? La question fut posée à Cheikh Ibn Baz, alayhi rahmatullah. Il a dit, c'est interdit. Pourquoi? Parce que mémoriser le Coran n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. C'est un acte louable. C'est une bonne action. On encourage les gens à mémoriser. Mais tout le monde ne mémorisera pas. Et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre les textes. Donc il dit non, on n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que mémoriser le Coran n'est pas une obligation. Comment tu peux taper un enfant? Alors que pour la prière, qui est le deuxième pilier de l'islam, et la pratique la plus importante, et qui est le point distinctif entre le musulman du mécréant, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, le prophète alayhi salatu wassalam dit, c'est qu'à partir de 10 ans, c'est-à-dire que l'enfant il a 3 ans pour apprendre, pour s'y habituer, de 7 ans jusqu'à 10 ans. Avant 7 ans, tu ne lui demandes pas la prière. Tu ne lui demandes pas. On parle de comportement. Certains pensent qu'ils ont trouvé des idées d'éducation qui ne nous ont pas été données par le prophète sallam. Le prophète sallam dit ordonnez la prière aux enfants lorsqu'ils ont atteint l'âge de 7 ans. Et vous en avez qui disent non, moi je vais commencer avant. Celui-là, il a obéi au prophète sallam. Il n'a pas obéi au prophète sallam. Même s'il pense bien faire. Même s'il pense. Non. Là, il t'est demandé d'obéir. C'est clair. Il a dit à partir de 7 ans. Avant 7 ans, ce n'est pas la peine. Pourquoi? Parce que 7 ans, non seulement déjà la première raison, c'est que le prophète nous l'a demandé. Et deuxièmement, 7 ans, c'est l'âge moyen du discernement, qu'on appelle en arabe tamyiz. L'enfant, il fait la distinction entre les choses, entre le bien et le mal. Avant cela, il ne fait pas la distinction. Il n'a pas encore le discernement. Donc il n'est pas responsable. Et c'est pour cela que même certains savants voient qu'un enfant qui n'a pas atteint cet âge-là, s'il est entre les rangs, le rang, et ben on dirait qu'il est incomplet. Alors qu'à nos yeux, il est complet. Mais la présence de ces enfants dans un rang d'adultes, et ben certains savants voient que ce n'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'à cet âge-là, il n'a pas encore le discernement. Mais s'il a 7 ans ou plus, il n'y a pas de problème. Subhanallah. Donc ça, ce sont des points à se rappeler, Inch'Allah. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, où est-ce que j'en étais? Il se rappelle. Hein, le hajj, naam, barakallahu fik. Naam, ala ukhbirukum bil mu'min من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. Non, on a passé. C'était لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والحديث متفق عليه. Lui ne sera véritablement croyant jusqu'à qu'il aime pour son frère, pour son prochain, ce qu'il aime pour lui-même. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans une autre version de ce hadith, il est rajouté min al-khayr, comme bien. On ne parle que de bien là. Tu veux pour ton prochain dans le domaine du bien. وعن النعمان ابن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى متفق عليه. Et d'après An-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu, qui dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'exemple des croyants dans la tendresse, la douceur qui les anime, la clémence qu'il y a entre eux, est comme l'exemple du corps, le corps humain. Lorsque vient à se plaindre un membre de ce corps, une partie de ce corps, c'est tout le restant du corps qui veille. C'est tout le restant du corps qui veille et qui est atteint par la fièvre. Pourquoi? À cause de cette partie et ce membre du corps. Donc, il compatit. Tout le corps compatit avec cette partie du corps. Voilà l'exemple donné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les croyants. C'est-à-dire que si ton frère est touché, c'est comme si c'était toi qui étais touché. Wa an ibn Umar radiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-mu'min alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru ala adhahum a'zamu ajran. وفي رواية خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. D'après Abdullah ibn Umar رضي الله عنهما qui dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le croyant qui se mélange aux gens, qui reste avec les gens, qui vit avec les gens et qui patiente sur leur nuisance, sur le mal qui découle d'eux, a plus de récompense. Et dans une autre version, il est meilleur que le croyant qui ne se mélange pas aux gens, qui ne reste pas avec les gens et qui ne patiente pas sur leur nuisance ou le mal qui découle de ces gens. Et ça, c'est important à se le rappeler. Le hadith rapporté par At-Tirmidhi et Ibn Majah et authentifié par Al-Albani. Lorsque les gens se plaignent de leurs frères, les femmes se plaignent de leurs sœurs, et ainsi de suite. Ça, c'est naturel. C'est tout à fait normal. Même dans une famille, dans une fratrie, chacun. Même un couple, chacun se plaint de l'autre. Les êtres humains sont amenés les uns à se plaindre de l'autre. C'est normal. Mais le fait de se plaindre ou d'être touché, entre guillemets, par un quelconque mal, parfois des gens disent qu'ils sont touchés, mais en vérité, aucun mal leur a été fait, mais ils voient du mal. Mais même si tu as été touché, cela ne légitime pas une séparation. Ne légitime pas que de tourner le dos, subhanallah. Quelqu'un qui ne veut pas ça, il est obligé d'aller dans une montagne, dans une grotte, dans un désert, tout seul, personne avec lui. Je ne sais pas s'il va patienter avec sa propre personne. Subhanallah. Et ça, l'islam ne l'enseigne pas. Donc, sache que ce qui t'est demandé, c'est ce qui est demandé aux autres aussi. Et sache que si toi, tu dis que tu fais preuve de patience, eh bien, sache qu'autour de toi, les gens font preuve de patience avec toi. Tu es qu'un humain et ce sont des humains. Vous avez la même nature. Il y a le bien et le mal en nous. Et on est amené à commettre des erreurs et à faire des fautes, volontairement ou involontairement. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui nous a créés ainsi. Mais l'humain de base, il vit en société. Et donc, les gens se doivent de faire preuve de patience. Et donc, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam montre le mérite et l'avantage de celui qui applique cette règle-là par rapport à celui qui ne l'applique pas. Que dire lorsque des gens sont eux-mêmes la source du mal? Quelqu'un, par exemple, qui a des problèmes avec un tel, il a des problèmes avec un tel, il a des problèmes avec un tel, et un tel, et un tel. Mais ces gens-là, entre eux, il n'y a pas de problème. Quel est le dénominatif commun? C'est lui. C'est lui le problème, en fin de compte. Mais lui, il ne voit pas ça. Il voit, non, il dit, tous ne sont pas bien, il n'y a que moi qui est bien. Donc, voilà. Il se retire en pensant que tout le monde est mauvais. Ça, c'est un problème de ne pas vouloir faire sa propre autocritique et de revenir à sa propre personne et de regarder clairement et véritablement et sincèrement. Si tu mens aux gens, tu ne peux pas te mentir à toi-même. Tu connais bien ta réalité et de te corriger. Ça, c'est important. Subhanallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne en nous disant « Man qala halaka an-nas fa huwa ahlakuhum wa fi qira'ah wa fi riwaya fa huwa ahlakahum » Celui qui dit « Les gens sont tous perdus et vont à leur perte », le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « C'est lui le plus perdu d'entre eux. » Et dans une autre lecture, parce que le terme on peut le lire de deux manières, c'est lui la cause de leur perte. Donc la vie de ce bas monde, il nous est demandé de patienter. Les prophètes ont patienté avec leur peuple. Et les gens se doivent de patienter les uns avec les autres. Et Allah tabaraka wa ta'ala demande à son prophète de patienter face à tout ce qu'il en rencontre face devant lui. Face au mal, aux nuisances, et ainsi de suite. Comme ont patienté les prophètes et les messagers d'avant. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Fasbir sabran jamila. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. La patience. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw. C'est une grande adoration, la patience. Et celui qui s'efforce d'avoir de la patience, Allah lui facilite à être patient. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, addi l'amana إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك رواه أبو داود وصححه الألباني. Le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit: remets le dépôt, rends le dépôt. Ce qu'on t'a laissé en dépôt, tu dois le rendre convenablement, de la bonne manière, envers celui qui a eu confiance en toi. Celui, lorsqu'il te l'a laissé, il avait confiance en toi. Et ne trahis pas celui qui t'a trahi. Ne réponds pas de la même manière. Ne réponds pas au mal par le mal. Il m'a volé, certains disent, il m'a volé, je vais le voler. Il m'a trahi, je vais le trahir. Il a triché avec moi, je vais tricher avec lui. Ça, ce n'est pas le comportement du musulman. Regardez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un très bon exemple. Alayhi salatu wa sallam. Il est à la Mecque. Allah l'envoie comme prophète. Avant d'être prophète, il était connu auprès de tout le monde comme étant As-Sadiq al-Amin, le véridique. Il ne dit que vérité. Jamais on ne l'a pris sur un mensonge. Alayhi salatu wa sallam. Et il est le digne de confiance. Le digne de confiance. De sorte que les gens, lorsqu'ils voulaient laisser en dépôt quelque chose auprès de quelqu'un, ils venaient voir le prophète Mohammed. Ça, c'est à l'époque de Jahiliyyah, à l'époque pré-islamique. Lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala l'envoie comme prophète, et il prêche, il a été attaqué, insulté, on lui a fait du mal, on s'en est pris à sa communauté, à la Mecque, alayhi salatu wa salam. On en a tué, on en a torturé, on en a fait fuir de la Mecque, de leur ville. Et avec ça, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam va accomplir la hijra, il demande à Ali radiallahu anhu, il lui dit: voilà tous les dépôts, et voilà, celle-ci elle appartient à tel, celle-ci elle appartient à tel, et tu rends chaque chose à son propriétaire. Il n'a pas dit, bah, vu ce qu'ils ont fait, eh bah, je peux me permettre. Non. Il a rendu toute, chaque chose. On ne pouvait rien reprocher au prophète, alayhi salatu wa salam. Qala ta'ala wa qulu linnasi husna. Allah, élevé soit-il, a dit, et dites le bien aux gens. Parlez aux gens d'une manière convenable. Ici, aux gens. Et certains ulama dans le tafsir, on dit, entre dedans les mouchriquins, les kuffars, tout le monde. Tout le monde entre dedans dans cette parole. Wa qulu linnasi husna. De parler convenablement et de la bonne manière. Wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu: ittaqi Allah haythuma kunt wa atbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وحسنه الألباني. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu: crains Allah où que tu sois et fais suivre la mauvaise œuvre d'une bonne œuvre qui viendra l'effacer, et comporte-toi convenablement de la bonne manière avec les gens. Rapporté par at-Tirmidhi et rendu bon par Al-Albani. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. رواه الترمذي وصححه الألباني. Et d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, qui dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: les meilleurs des compagnons, les meilleurs amis, les meilleurs copains auprès d'Allah sont ceux qui sont le mieux avec leurs amis, ceux qui sont les plus utiles à leurs amis, et les meilleurs des voisins auprès d'Allah sont ceux qui sont le mieux, qui se comportent le mieux, qui sont les plus utiles à leurs voisins. Rapporté par At-Tirmidhi et authentifié par Al-Albani. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء رواه الإمام أحمد وغيره وصححه الألباني. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: les miséricordieux, le tout miséricordieux sera miséricordieux envers eux. Allah tabarak wa ta'ala leur fera miséricorde et clémence. Soyez clément envers ceux qui sont sur terre, c'est-à-dire envers les créatures qui sont sur terre. Celui qui est au-dessus du ciel sera clément et miséricordieux avec vous. Ça aussi, c'est un des arguments de l'élévation d'Allah تبارك وتعالى sur ses créatures. يرحمكم من في السماء يعني الله تبارك وتعالى. Le hadith rapporté par l'imam Ahmed et autres est authentifié par Al-Albani. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه رواه مسلم. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes Allah est doux et il aime la douceur. Et il donne lorsque la chose elle est entamée avec douceur, ce qu'il ne donne pas lorsqu'elle est entamée avec la dureté, avec la violence. Ce qu'il donne avec la douceur, il ne le donne pas avec quoi que ce soit d'autre, ni violence, ni autre chose. Le hadith rapporté par Muslim. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد رواه مسلم. Le message d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit: certes Allah m'a révélé que vous vous devez de faire preuve de modestie, vous devez de vous comporter avec modestie jusqu'à qu'aucune personne ne trouve d'orgueil ou se croit élevé ou au-dessus de son prochain. Et ça, c'est un problème. Les personnes qui pensent qu'ils sont au-dessus des autres n'ont aucun droit, si ce n'est des choses que lui, il croit ou qu'il s'invente pour une couleur de peau, pour une langue parlée, pour un poids, une taille. Ou alors c'est un homme ou une femme de telle origine, de telle région, de telle ville, de tel pays. Toutes ces raisons-là qui ramènent les gens à penser que, comme c'est la suprématie. Certains pensent que le blanc vaut mieux que... Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la fadla li arabiyin ala ajami, wa la li ajami ala arabi, wa la li abiyad ala aswad illa bit taqwa. Il n'y a personne ni au-dessus d'autre, pas un arabe au-dessus d'un noir arabe, ni un noir arabe au-dessus d'un arabe, ni un blanc au-dessus d'un noir, si ce n'est pas la piété. Et la piété, elle est à la portée de tous, quelle que soit la personne. Et Allah nous dit dans le Coran: Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. Ô vous les gens, ô vous les hommes, nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle, d'un homme et d'une femme, tous. Qui que vous soyez, vous êtes issus au final du même homme et de la même femme, Adam et Hawa, qui sont les ancêtres de toute l'humanité. De toute l'humanité. Donc, on est tous issus de Adam alayhi salam. Et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissez. Certes, le plus honoré, le plus valeureux auprès d'Allah, c'est le plus pieux. Plus la personne elle est pieuse, et plus elle a de la valeur auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala. On est en plein mois de Ramadan. Et une des sagesses pour laquelle Allah nous demande de jeûner, c'est pour atteindre la piété. Ya ayyuhal ladhina amanu, kutiba alaykum as-siyamu, كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Oh, vous qui avez cru, on vous a ordonné le jeûne comme cela a été ordonné à ceux d'avant vous, les juifs, les chrétiens, eux aussi. Le jeûne, il leur a été ordonné afin que vous atteigniez la piété, que vous faites preuve de piété. Et on a vu aussi dans le hadith, lorsque le prophète sallam a dit à Mu'az ibn Jabal, « Ittaqillah haythuma kunt » Crains Allah où que tu sois. Crains Allah où que tu sois. قيل للتابعي الجليل طلق بن حبيب رحمه الله كيف نتقي الفتن؟ سئل عن الفتن، كانت أيام فتن، فقال اتقوها بالتقوى. قال صفها، قالوا صفها لنا. قال التقوى هي العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله وترك معصية الله على نور من الله مخافة عذاب الله. طلق ابن حبيب رحمه الله un des imams des tabi'in. C'était une période de troubles. Et on lui a dit comment éviter ces troubles, comment être protégé, comment ne pas tomber dedans. Il leur a dit préservez-vous par la piété. Protégez-vous avec la piété. Et la piété est un bouclier de protection. Ils lui ont dit, décris-nous la piété. Qu'est-ce que la piété? Il dit, c'est d'appliquer les ordres d'Allah, l'obéissance à Allah sur une lumière d'Allah, c'est-à-dire sur une science, par espoir, en espérant la récompense d'Allah, et de délaisser la désobéissance d'Allah, c'est-à-dire les péchés, tout ce qu'Allah nous interdit, sur une lumière d'Allah, c'est-à-dire sur une science, une connaissance, par crainte et peur du châtiment d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et beaucoup de ulama considèrent cette définition comme une des meilleures définitions de at-taqwa. Naam. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه رواه مسلم. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit jamais une aumône n'a diminué la richesse d'une personne. Lorsqu'on regarde véritablement, d'un vrai regard, pas le regard mais matériel, parce que ça tu vas l'avoir où? Dans le dos là auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, si tu as donné pas avec sincérité. Donc jamais on a diminué une aumône la richesse de la personne, et Allah tabaraka wa ta'ala ne fait qu'élever la personne qui fait preuve de pardon aux autres, celui qui pardonne, qui laisse, qui efface. Celui-là, plus il agit ainsi, plus Allah il l'élève. Et plus Allah lui rajoute en puissance. Et toute personne qui fait preuve de modestie, qui se rabaisse pour Allah Azza wa Jal, Allah l'élève. Allah l'élève. Certains, pour donner un peu l'exemple de la modestie, qu'elle élève la personne. La personne, elle se montre basse, elle se rabaisse, elle laisse, et Allah il l'élève. L'exemple du soleil. Lorsqu'on est en bord de mer, on a l'impression que le soleil, lorsqu'il se couche, on appelle ça le coucher du soleil, on a l'impression qu'il se couche dans l'eau, alors qu'en vérité il est bien au-dessus du ciel. Et la fumée, pour parler de l'orgueil, c'est l'exemple de la fumée. T'as l'eau elle chauffe, et puis t'as de la fumée qui monte. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, puis plus rien. Voilà. Au final, il n'y a plus rien à la fin. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا رواه مسلم. D'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qui dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous vous devez d'être véridique, parlez avec véracité, car la véracité mène vers le bien et le bien mène vers le paradis. Et l'homme ne cesse d'être véridique et de parler avec véracité jusqu'à qu'il soit écrit auprès d'Allah comme véridique. Et méfiez-vous aux mensonges. Attention aux mensonges, car le mensonge, le fait de mentir, cela mène vers le mal et la perversion. Et le mal, la perversion, mène au feu de l'enfer. Et l'homme ne cesse de mentir et d'être menteur jusqu'à qu'il soit écrit auprès d'Allah comme menteur. Le hadith rapporté par l'imam Muslim. ونختم هذه الكلمة بقول الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. On termine par la parole d'Allah تبارك وتعالى qui dans la sourate Al-Baqarah, Allah nous dit dans le sens du verset Al-Bir, qui est la piété, la bonté, toute œuvre d'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala, la bienfaisance, ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, c'est-à-dire pendant les prières, mais Al-Bir, la bienfaisance, est la qualité de celui qui croit en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, qui donne de son bien, quelque amour qu'il en ait, aux proches, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent l'aide et pour délier joug, qui accomplit la salat et acquitte la zakat, et ceux qui remplissent leurs engagements lorsqu'ils se sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie et quand les combats font rage, les voilà les véridiques et les voilà les vrais pieux. La parole, la traduction est pour délier joug. J'ai écrit exactement la traduction qu'il y avait. En arabe, c'est wafir riqab. C'est-à-dire, c'est ceux qui aident des gens à payer leur liberté. Ceux qui aident des gens dont leur maître, ils sont esclaves, et ils demandent une certaine somme pour lui redonner sa liberté. Donc, on leur fait ce bien-là, on les aide à gagner leur liberté. Donc la traduction que j'avais trouvée, c'est le mot est pour délier joug. Voilà, c'était pour expliquer ce mot-là. Subhanak Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. جزا الله عنا وجعلنا الله واياكم